Aller se dit gehen, gehen, gehen, gehen. Comment dit-on nous allons? Wir gehen. Mm-hmm. Vous allez, vous que je vous vois? Sie gehen. Bien. Et maintenant, comment dites-vous où allez-vous? Où allez-vous? Attention, il y a mouvement. Wohin? Wohin, très bien. Gehen. Sie gehen. Gehen Sie? Bien. Wohin gehen Sie? Où allez-vous? Pour poser une question, on inverse Sie gehen en gehen Sie. Rester se dit bleiben. Bleiben. Nous restons. Wir bleiben. Wir bleiben. Et combien de temps se dit? Wie lange? Wie lange, tout à fait. Et donc, combien de temps restons-nous? Wie lange bleiben wir? Wie lange bleiben wir? Et comment diriez-vous combien de temps pouvons-nous rester ici aujourd'hui? Wie lange? Wie lange? Pouvons-nous? Können wir? Rester aujourd'hui? Heute? Mm-hmm. Ici? Hier bleiben? Bien. Bleiben est le second verbe. Il est donc rejeté en fin de phrase. Wie lange können wir heute hier bleiben? Comment diriez-vous combien de temps resterons-nous ici aujourd'hui? Wie lange? Resterons-nous ici aujourd'hui? Werden wir? Encore une fois, oui. Werden wir? Bien, très bien. Donc, combien de temps resterons-nous ici aujourd'hui? Wie lange werden wir? Heute hier bleiben? Wie lange werden wir heute hier bleiben? Combien de temps voulez-vous rester ici? Wie lange wollen Sie hier bleiben? Bien. Wie lange wollen Sie hier bleiben? Combien de temps pouvez-vous rester ici? Wie lange? Wie lange? Pouvez-vous? Wie lange können Sie? Können Sie rester ici? Hier bleiben? Bien. Wie lange können Sie hier bleiben? Combien de temps restez-vous ici? Wie lange bleiben Sie hier? Bien. Wie lange bleiben Sie hier? Et restez-vous ici? Bleiben Sie hier? C'est cela. Bleiben Sie hier? Il est très important de montrer qu'il s'agit ici d'une question, en montant la voix, car sans cela, la phrase « bleiben Sie hier » devient un ordre. À vous. Comment dit-on « restez ici » ? Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Oui, c'est donc l'ordre de rester. Tandis que « bleiben Sie », avec la voix qui monte, c'est « restez-vous ». Est-ce que vous restez ? Alors, comment dira-t-on en allemand « venez » ? C'est un ordre. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie hier. Ah ah, vous avez voulu dire « venez ici ». En fait, pour « venez ici », il vous faut utiliser « here » au lieu de « here ».« Here » qui signale un mouvement. Donc, « venez ici ». Kommen Sie hier. Oui. « Here » veut juste dire « ici », tandis que « here » indique un mouvement vers celui qui parle, comme dans « venez vers moi ». Vous pouvez aussi dire « hierher »,« hierher » dans cette direction. « Hierher » ou simplement « here ».« Kommen Sie her ». Et « venez-vous »? Kommen Sie? Bien. Kommen Sie? Et comment direz-vous apportez-le? Bringen Sie es. Bringen Sie es. Apportez-le moi aujourd'hui. Ou moi a le sens de à moi. Bringen Sie es mir heute. Heute. Heute. Bringen Sie es mir heute. Oui, c'est apportez-le moi aujourd'hui. Me l'apportez-vous aujourd'hui? Bringen Sie mir heute. Ah, es. Es heute. Reprenons. Me l'apportez-vous aujourd'hui? Bringen Sie es mir heute? Oui, bringen Sie es mir heute. Et donc, est-ce que vous me l'apportez? Me l'apportez-vous, c'est? Bringen Sie es mir? C'est ça, bringen Sie es mir. Est-ce que vous me l'apportez? Me l'apportez-vous? Comment donneriez-vous l'ordre? Apportez-le-moi. Bringen Sie es mir. C'est ça. Bringen Sie es mir.